Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro. J'allais dire de Paddy Café, mais non, c'est Mange ton écran et je suis aujourd'hui, et comme toujours, avec Feno. Coucou. Tu l'as préparé celle-là. Et donc, pour je sais pas de quoi vous parlez. Oh purée, donc ce n'est pas Feno, c'est Fenette. Fenette le loup rose. La petite sœur est venue. La petite sœur de Feno. Aïe aïe. Le loup rose bleuté. Ouais, très bleuté le loup rose, alors. Et donc, pour ce numéro de Mange ton écran, nous allons parler de Santa Clarita Diet. Wow. Celle-là, je ne m'y étais pas préparé, par contre. Une série Netflix, oh my god. Putain, on parle jamais de série Netflix, mon gars. Comment ? Ah oui, quelle surprise, oui. On parle jamais de Netflix pourtant. Voilà, donc une série Netflix. Fenêtre. Je sais pas ce qui se passe, mais ok. Je réagis au chat là. Donc une série Netflix qui est sortie. Oui, je me mets à parler espagnol n'importe nawak. Qui est donc sortie le 3 février 2017 pour la première saison. Et la saison 2 est datée de. Feno, je m'en souviens déjà plus. Le 23 mars 2018. Voilà. Ah ouais, c'était cette année. Le mec. Oui, je sais que c'était cette année, mais dans ma tête, je sais pas, ça m'a fait bizarre. Et donc on va vous parler de la série globalement, mais on fera aussi, on va dans cette continuité vous faire une on va donner aussi notre avis sur la saison 2 plus particulièrement. On va essayer de faire le moins de spoil possible, mais il y aura sans doute des moments où ça va nous échapper, donc je vous préviens. Que Santa Clarita Diet, une série qui parle de d'une petite famille. Voilà, au revoir. Ça c'est fait. Donc, soyons quand même un petit peu plus concis. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est une petite famille, comme tout va bien dans le meilleur du monde. Les parents sont promoteurs immobiliers. Nous avons la fille qui va à l'école. Tout se passe bien jusqu'au jour où la mère Clams est revit en étant un zombie. Voilà, un zombie, pas comme on a l'habitude de voir. Hein. Un zombie. Ouais, très bien conservé, le zombie. Un zombie conscient, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Ça c'est le pitch de base. Ça c'est le pitch de base. Et du coup, ils vont essayer de comprendre comment ça a pu arriver. Et en même temps d'essayer de comprendre cela, ils vont essayer de comprendre comment faut réagir quand ta femme est un zombie, ou quand ta mère est un zombie, ou quand tu es un zombie. Et tout est tourné de manière assez absurde en fait. Mais dans le bon sens, c'est très absurde. En fait, on se retrouve avec des situations rocambolesques, carrément, où il se passe quelque chose, mais alors ils essayent de tout faire, de tout planifier, de tout, de A à Z, et il y a un truc qui leur tombe sur la tête, mais ça va pas tomber en travers, hein, c'est pile dessus, quoi. C'est une série humoristique. Avec un léger fond sérieux, juste ce qu'il faut de sérieux pour qu'on arrive à avoir envie de connaître la suite de l'histoire, et avec des personnages super attachants, c'est super bien écrit comme série, à vrai dire. Et les acteurs, mais je crois qu'ils pouvaient pas mieux trouver en vrai. Déjà rien que pour jouer la bonne mère de famille, la bonne meuf. Drew Barry... excuse-moi, mais Drew Barrymore est très bien conservée. C'est vrai. Voilà. Non mais voilà, donc double blague étant donné que c'est aussi un zombie. Donc du coup non, c'est Drew Barrymore qui a un personnage très, enfin un personnage, qui a une personnalité déjà de base et qui aime bien jouer les personnalités assez déjantées, assez énergiques. Voilà, c'est un personnage qui est tout à fait dans son genre de rôle. Et à côté de ça, Timothy Olyphant, mais c'est un truc de fou quoi, ce mec. Mais il arrive à faire des trucs avec son visage, le gars. Ah, il vend du rêve. Mais c'est un truc de malade. Mais rien que sur l'image que j'ai mis en fond, c'est un truc de malade. Je veux dire, la tête, mais enfin, il arrive. Enfin, comment vous dire ça, l'air gêné. Enfin, en mode, il bug quoi. Mais c'est le personnage là qui. Enfin là, voilà, je veux pas dire que c'est l'acteur qui bug. C'est le personnage qui bug dans la vraie vie. Enfin dans la vraie vie. J'arrive pas à expliquer les choses. Le personnage bug dans sa tête et c'est tellement bien retranscrit par l'acteur. Voilà. C'est sûr que contrairement à certaines actrices très à la mode il fut un temps, il a une palette d'expression sur le visage qui fait plaisir à voir. Ah oui, non, mais c'est un truc de fou. C'est le gars, il est fâché, tu vois sur son visage qu'il est fâché. Il est triste, tu vois sur son visage qu'il est triste. Tu vois qu'il est super gêné, tu le vois sur son visage, quoi. Voilà, et c'est voulu, c'est clairement le réalisateur qui lui demande ça, c'est pas lui qui a fait ça au pif, c'est pas du surjeu, ou alors, si on veut appeler ça du surjeu, c'est du surjeu volontaire, voilà, pour l'histoire. Et d'ailleurs, pour dire, dans la saison 2, il y a un élément qui est repris du fait qu'il est comme qu'il réagit autant avec son visage, en fait. Ah, C'est oui. retranscrit dans un fameux... un dessin, pour ne pas spoiler. Ah, tellement. Non, franchement, c'est. Voilà, c'est. Mais c'est. On sent que c'est. De cette façon, c'est dans l'histoire, ça coule de source, c'est du surjeu volontaire, en fait. C'est le personnage dans lui-même est très nerveux par rapport à la situation, hein, parce que sa chère demoiselle est morte, revit et doit manger des corps pour pouvoir survivre. Faut avouer que dans des cas comme ça, on ne sait jamais trop comment réagir. Ah ben bah, complètement et le fait que ouais et je pense que dans la vraie vie si ça arrivait il y a moyen qu'il y ait des gens qui buguent vraiment comme ça en fait mais vraiment en fait quand on y pense hein. C'est une situation tellement mais what the fuck que tu peux pas réagir autrement en fait je sais même pas s'il y a une bonne façon de réagir en fait à ça c'est assez dingue et pour en venir au personnage du coup donc t'as le père qui surréagit un peu pour tout qui a envie de bien faire les choses et tout ça, et qu'il le montre, qui n'arrive pas à le cacher. T'as la mère qui, avant de devenir zombie, était quelqu'un de très carré, très discrète, qui maintenant est complètement enjouée et tout, et voilà, comme disait Fesneau, ça va très Ah bien à Drew oui. Barrymore. Elle se laisse pas marcher sur les pieds, hein, ça c'est sûr. Et ensuite, t'as la fille qui est jouée par Liv Ousen, je sais pas comment le prononcer, donc c'est Abby dans la série, qui est un peu le stéré... enfin, qui pourrait au début nous faire croire que ça va être un stéréotype de fille de série familiale, mais non. Oh là là, mais alors là, mais on dirait aussi, elle est totalement cynique, mais d'une de ses forces. Mais c'est juste Ah, génial. c'est franchement, c'est le juste ce qu'il fallait pour compléter le trio. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est. Tous les trois, ils se complètent, mais tellement, tellement en fait. Et on pouvait vraiment pas trouver mieux. À vrai dire, franchement, le rôle que tu décris, qu'on aurait pensé l'avoir, en fait, au final, c'est son ami à côté, donc le petit dernier à Oui. côté qui l'endosse. Et ce qui fait que Qui est aussi son on le voisin. voit un peu aussi son bras. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, on le voit un peu moins, donc il est un peu moins chiant. Mais ouais, il est excellent. Puis c'est lui qui est censé connaître un peu tout sur les zombies, qui va aider et tout ça. En fonction de ses connaissances. Du coup, franchement, c'est bah, c'est tout est bien dosé. T'as pas les stéréotypes, pas forcément chiant, mais t'as pas les stéréotypes rébarbatifs qui est dans beaucoup de séries. T'as pas le hacker, la fille qui est vraiment une fille en mode j'aime le rose, gnagnagnère. Enfin, t'as pas ça quoi. C'est des vrais. Les femmes Oh. sont vraiment des femmes fortes à leur manière. Et limite, les mecs sont des mecs un peu faibles pour le coup. Ah oui, mais là c'est officiel, hein, c'est pas l'homme qui te porte la culotte, Ah hein. non. Aucun. Pourtant, il essaye, hein, Joël, mais c'est compliqué. Non, et donc voilà, c'est pour parler au. Je crois qu'on peut commencer à parler un peu plus au niveau des saisons, hein. Oui, non, mais vas-y, on peut même passer Donc, direct à la saison 2, on a présenté globalement la série. peut-être déjà quand même parler un peu de la saison 1 rapidement, qui en fait au final donc une section dans un temps d'adaptation en fait à la situation pour la famille, qui va essayer un peu de comprendre comment ça fonctionne, plus de comment c'est arrivé. Et avec un premier épisode qui est, ma foi, franchement, je crois que j'allais. De souvenirs comme ça, je le regardais en mangeant. C'était pas la meilleure idée du siècle. Alors, Ah non. c'est un zombie, donc il y a du sang et tout ça, mais le sang est tellement exagéré que c'est pas ça qui va vous dégoûter. Mais par contre, le vomi, mais Ah. c'est. Pourtant, il est pas réaliste le vomi, hein. Mais alors, pourtant, je crois que j'ai jamais été autant dégoûté à un moment dans une série ou un film. Excuse-moi, mais elle nous a replein la pièce aussi, hein. Donc voilà, c'est ça. Je vous cache pas que ça, pour le coup, j'ai eu des haut-le-cœur. Mais franchement, passer ça. En soi, la série en elle-même n'est pas gore. Bah si, elle Alors. l'est, mais ça va. Mais dans l'exagération, au final, donc du coup, ce qui fait que c'est pas aussi gore que pourrait l'être, par exemple, un autre film. avec plein de sang et d'hémoglobine. Oh, ou si je peux même comparer une série, en ce moment je suis en train de regarder Ash vs Evil Dead. Ash vs Evil Dead, c'est 10 000 fois Santa Clarita Diet. Donc, c'est même pas trash non plus en vrai. Enfin, ça dépend de la définition de trash, parce que j'essaie de lire le chat en même temps. Mais je sais pas comment dire, c'est-à-dire que. Quand il y a une scène, dans la première saison, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment des trucs affreux. Les morceaux d'humains sont franchement, ça se voit que c'est pas vrai, et c'est tant mieux, parce que justement, sinon on serait tout le temps dégoûté du truc. Enfin, ça se voit que c'est pas vrai, c'est pas des moumoutes non plus, hein, mais. ça, je veux dire, c'est, voilà, ça va quoi. Et le seul fois où il y a vraiment. C'est, en dehors du vomi, la seule fois où vraiment ça éclabousse partout, je crois que c'est dans la saison 2, donc. Oui, et donc, en soi, techniquement parlant, il me semble qu'on ne voit jamais réellement on voit les spitures des morceaux qui valent un peu partout, mais en soi, techniquement parlant, la scène en elle-même, le moment où Drew se jette sur sa victime pour le dévorer, on ne le voit pas. Voilà, et c'est presque ce que dit Boule DM, elle mange des humains avec une fourchette et un couteau, mais en fait, c'est presque ça, en vrai. Il y a des moments, c'est clairement ça, d'ailleurs. Mais il y a des moments où ce n'est pas ça, mais c'est une autre histoire. Oui, mais voilà. Mais après, franchement, je veux dire, les morceaux d'humains sont limite rose fluo. Je veux dire, franchement, comme là, vous voyez, enfin, pour ceux qui regardent en vidéo, vous voyez l'image. Il y a Bouledem qui a bloqué sur l'œil qui était en bas, mais il y a un des doigts aussi au-dessus. Hein, mais bon. Oh purée, je suis en train de lire des trucs sur le chat, mon gars. mais en vrai, ça joue dessus. Sans aller trop loin, en fait. Ça va loin, mais ça ne dépasse pas une certaine limite qu'ils se sont donnés par eux-mêmes. Ça donne pas l'impression qu'ils se brident non plus, hein. C'est juste qu'ils ont trouvé le juste milieu parfait par rapport au type de série que c'est, tout simplement. Une série familiale, sauf qu'il y a un vampire, mais non, un zombie. Donc voilà, en fait, c'est une histoire de famille avec de l'humour qui pourrait être juste familial, mais de fait qu'il y ait une mère, une maman zombie, et puis... peut-être d'autres, qui sait, ça rajoute du piquant partout, et non, mais je crois que j'ai jamais vu d'autres séries comme ça, en fait, vraiment. Non, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est la série où la première saison, en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça leur tombe dessus, et alors ils essaient de tomber avec mal en tant que bonne petite famille, d'essayer de réparer tout cela, mais parfois, c'est pas simple. Mais c'est ça, mais c'est un peu une moquerie des séries où il y a quelqu'un qui devient un être surnaturel et que ça se passe toujours bien, tu vois. Sauf que là, en fait, limite, il n'y a rien qui se passe bien, en fait. Je crois que même la seule fois où ça se passe à peu près bien, ils s'en félicitent d'ailleurs. Avant que ça continue. Non mais voilà, ouais. Mais c'est juste génial, les caractères des personnages, mais les personnages sont tellement attachants, c'est un truc de fou. Et si je devais comparer cette série, enfin, si je devais dire un petit truc sur cette série, c'est que justement, c'est un humour absurde, mais pas autant quand même qu'un Kimmy Schmidt par exemple. Ouais. Mais c'est un humour similaire à Kimmy Schmidt, c'est-à-dire qu'il y a des situations où c'est vraiment what the fuck. Voilà. Ah, mais les conversations, je ne sais même pas comment ils arrivent à les avoir. Et voilà, il faut pas trop spoiler, mais il y a des choses qui se passent dedans. Ils ont réussi aussi à trouver, avec il y a eu le loup-garou de Londres, le loup-garou de Paris, les trucs comme ça. Il y a des délires de loup-garou qu'ils ont réussi à réutiliser, des loup-garous de Paris, loup-garous de Londres, qu'ils ont réussi à réutiliser dans cette série, mais sans être à un niveau film d'horreur, hein, mais avec un humour similaire. C'est de l'humour, c'est de l'humour un peu noir, mais ma foi, qui fonctionne très bien à mon goût. Ça ouais, c'est bien. Vrai qu'il y a pas mal d'humour noir. Il y a aussi pas mal de d'humour préparé où en fait on ne le voit pas sans vouloir une vanne arriver, et quand elle arrive, elle tombe dessus, et alors on rigole quoi. Ouais, mais et puis c'est pas si prévisible que ça. Franchement. Bah il y a des coups en fait, tu te dis, c'est comme quand la fille utilise une certaine expression à sa mère et que sa mère la réutilise, mais du coup vu que c'est elle qui l'utilise, bah, ça passe un peu moins bien. Voilà, c'est ça l'humour dans cette série, et c'est ça et voilà, et si on devait s'attarder, ah voilà, donc je sais plus si on l'a... enfin Fenot l'a expliqué, donc la saison 1 c'est plus une présentation globale qui fonctionne très bien, hein, je trouve. Mais c'est vraiment une présentation globale de la situation. Qui n'est pas du tout ennuyeuse. C'est-à-dire que c'est pas lent, hein, c'est bien foutu. Il se passe quand même des choses, mais on est vraiment là pour essayer de comprendre et connaître la famille et les personnages. Et la saison 2, on rentre dans le vif du sujet. J'allais dire les bras m'en tombent, mais. pour essayer de faire un jeu de mots, mais ça marche moyen. Mais. et Non, mais voilà. il se passe. Enfin, ça va très vite dans la saison 2, en fait. Oui, la saison 2 va très vite où en fait ils vont commencer à vraiment chercher le pourquoi du comment, et en fait ils avancent au fur et à mesure des épisodes, ils cherchent, ils trouvent un truc, ils avancent, ils sont à nouveau bloqués, ils recommencent à chercher, et voilà. Et à chaque fois, en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a toujours c'est entrecoupé d'éléments très drôles parce que forcément. Ah bah même les trucs les plus sérieux, il y a toujours quelque chose qui voilà, il y a toujours un truc qui tombe dessus, parce que c'est aussi une petite famille tout à fait normale, je rappelle, à côté, hein, oui. Ils ont un job, leur fille va à l'école, donc oui. Il faut jongler J'aime avec beaucoup tout. Comment t'as bugué, hein. Va à l'école. Le mot lycée ne voulait pas sortir, mais j'ai pas l'habitude de l'employer, donc... Mais même le va, je trouve que ce bug à cet endroit-là convient parfaitement. Mais voilà, c'est. Et pour répondre à Boule DM, oui, on a des explications partielles qui peuvent suffire à beaucoup de monde, mais qui vont se développer, je pense, à partir de la saison 3. Les quoi? Et voilà, c'est-à-dire qu'on a quelques réponses, on n'a pas de nouvelles interrogations. Si, on a une nouvelle interrogation parce qu'il y a des personnages qui y arrivent, on sait pas beaucoup de choses sur eux. En effet. Et donc dans la saison 3, je pense que ça va être là-dessus que ça va se baser. Dans le 2, il y a quand même un bon comique de répétition en rapport avec une tête. Je pense que Oui. c'est des choses qui reviennent beaucoup par rapport à lui. On pourrait croire que c'est chiant, mais en fait, vraiment, ça marche super bien. Je dirais aussi qu'il y a aussi un petit comique de répétition avec l'église. Aussi. Aussi. Dont le final est juste magnifique, hein, ce Ah, comique de répétition. Enfin, juste parfait. franchement, Juste parfait. ils auraient pas pu mieux terminer la blague. Donc voilà, c'est une bonne série. C'est une excellente série même. C'est la série à voir si vous avez envie de rire, de ne pas trop vous prendre la tête non plus. Elle se laisse dévorer facilement. C'est un comble pour une série qui parle de zombies et de cannibalisme. Mon Dieu. Franchement, en fait, c'est là que c'est en présentant cette série que je me rends compte que c'est pas si simple de la présenter, tellement elle est atypique. C'est un mélange de tellement de choses, et ça marche tellement bien. C'est un peu comme la tarte tatin, ça a dû être né d'une erreur et finalement c'est très bon. Enfin, je sais pas si c'est vraiment né d'une erreur ou si ça a été mûrement réfléchi. Parce que ça peut être ça, comme ça peut être, comme tu as dit, tiré d'une envie de faire d'une critique satirique des autres séries qui existent actuellement, où on a un personnage qui devient subitement qui change et tout se passe bien dans le meilleur des mondes possibles. Ou... Et sur le chat, il y a Anonymio qui, je trouve, a donné les bons trucs. Comédie, horreur, thriller. Ouais, on pourrait dire ça, parce qu'il y a un petit côté thriller par moment, même si le thriller est quand même le moins présent des trois, mais quand même, quand même. Zatsune qui nous dit, je pense que l'aspect zombie gore, c'est pas trop pour moi. Bon, c'est pas si gore que ça, à part le vomi de l'épisode 1. Comme moi, ça a du mal à passer, mais il y a des gens que ça dérange pas du tout. Et mon frère qui a regardé la saison 2, il y a eu une autre fois où il y a eu un truc et ça lui a pas plu non plus. Même si la saison 2, je la trouvais plus soft, moi, sauf un moment. En fait, moi, je dirais c'est un mélange entre Unbreakable Kimmy Schmidt et Ash versus Evil Dead. Voilà. Et vous rajoutez un petit peu de Ma Famille d'Abord dedans. Vous mélangez bien tout ça. Et voilà, vous avez Santa Clarita Diet. Je pense qu'on peut pas dire mieux. Si t'as d'autres mélanges phono, vas-y, hein. Non, je pense que ça va. Et Black Warcraft qui dit qu'il aime bien le vomi. Moi, ce qui m'avait fait rire aussi, en fait, ce qui a fait que j'ai regardé cette série, c'est là que Netflix sont au top au niveau de la com. Et qu'ils y croyaient à cette série, parce que mine de rien, on sait déjà de base à quelle série ils croient ou pas en fonction de leur com. Hein. Par exemple, Everything Sucks, il n'y avait pas beaucoup de com. Bon, tu vois, et là, il n'y aura pas de saison 2, hein? On est un peu dégoûté. Voilà. Alors que Santa Clarita Diet, il y a une com assez folle. En fait, ils étaient partis dans un délire. Et moi, je croyais que c'était ça l'histoire à la base. Hein. C'est, leur délire, c'était qu'ils géraient un centre de pas un centre diététique, pas vraiment ça, mais un centre diététicien aussi, on pourrait dire ça comme ça. Et en mode, avec notre régime, tout va aller mieux et tout, à Santa Clarita Diet. Et puis ils mangeaient des morceaux d'humain, ils faisaient, c'est trop bon et tout. Bref, et je pensais vraiment que ça allait partir dans un délire comme ça. Et finalement, c'est mieux que ça. Parce que ça aurait été trop simple, un délire comme ça. Mais oui, c'est sûr. Peut-être que cette com est un indice sur les prochaines saisons. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la saison 2. Qui font que peut-être plus tard, eh ben, ils vont gérer un centre de diététiciens. On sait pas. C'est possible. Ah, c'est sûr qu'on apprend beaucoup plus de choses dans la saison 2 que dans la saison 1. Complètement. C'est, la saison 2, c'est... Autant la saison 1, comme je vous ai dit, c'est vraiment une présentation assez longue. Enfin, assez longue, sans qu'on ait de sentiment de longueur, mais tout va à son rythme, bien et tout. Et dans la saison 2, t'as l'impression que c'est la mitraillette, quoi. T'as l'impression d'avoir vu 3 saisons de suite, quoi. Limite. Oui, c'est à peu près ça. Bah, tu me diras, en fait, le problème, là... Non, c'est pas un problème. La première saison, en fait, il se passe tellement de choses qu'au final, on n'a pas vraiment. Et oui, c'est ça. On n'a pas vraiment le temps de se demander du pourquoi, du comment. On se dit, c'est un pur hasard. C'est voilà, c'est le coup du destin, ironie du sort, répercussion du karma. Ce que vous voulez, c'est, on pourrait presque au final se dire ça, hein, en regardant la première saison. Et on a en fait au final, c'est vraiment à partir de la deuxième saison qui commence à se dire oui, mais il faudrait chercher à comprendre pourquoi là, il faut se bouger. Mais c'est bien fait. Déjà qu'il se bougeait pas mal, bah, il se bouge encore plus. Ouais, et c'est bien fait parce que même si, comme je disais, on a l'impression d'avoir vu 3 saisons de suite une fois qu'on a tout eu, il n'y a pas d'indigestion. C'est. Enfin, tout se. Tout s'emboîte parfaitement, en fait. Il n'y a aucun moment où on se dit « What ? Mais pourquoi ?» Non, non. Tout est logique. Absolument tout. À aucun moment, je me suis dit « Mais pourquoi ?» À aucun moment, ça m'est arrivé. Il n'y a pas eu de pirouette scénaristique foireuse. Non, non. Tout file plutôt bien. Tout est logique. Cette saison 2, est-ce qu'il y a eu de mieux pour cette série ? Parce que s'ils avaient continué comme la saison 1, nous, on aurait peut-être aimé. Mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu de renouvellement, alors que là, on est sûr à 99% qu'il y a un renouvellement. Donc il fallait ça pour le grand plus, enfin pour que plus de monde accroche. Et nous, ça nous a permis d'apprendre des choses et de découvrir encore plus de choses sur les personnages. Il faut pas que, enfin là, je spoil pas du tout. Hein. Vraiment, il y a aucun spoil dans ce que je dis. Il y a aucune subjection ou quoi que ce soit. J'espère qu'aucun personnage ne va mourir parce que franchement, ça, je serais dégoûté tellement j'apprécie tous ces personnages. Mais vraiment quoi. C'est vrai qu'il y a une palette de personnages qui entoure la petite famille qui est juste magnifique. Voilà, c'est et puis tous. Hein. Mais c'est du Kimmy Schmidt, hein, le délire des personnages en vrai. C'est ça. Stéréotypes les machins. Mais c'est trop bien. Oh, le patron. Et même la voisine, je veux dire, enfin, les voisines pour le coup. Mais voilà, je veux dire, limite, on pourrait se dire que finalement, les seuls gens normaux, c'est cette famille qu'on suit. Et encore. Bah, les plus normaux, on va dire. Parce que c'est dingue, voilà. C'est dingue. Et pendant ce temps, les jeux de mots fusent dans le chat. Moi je vous conseille vivement cette série. Si vous aimez pas du tout du tout du tout le gore, si une goutte de sang vous dérange, regardez-la pas. Mais si un peu de gore ne vous dérange pas, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de suggestions, plus de suggestions que de vrai gore, hein. C'est pas H versus Evil Dead encore, c'est vraiment différent. Franchement, si vous pouvez voir un peu de sang par-ci par-là, regardez cette série. Et encore une fois, ne vous arrêtez pas au vomi de la saison 1, qui était à mon goût peut-être un peu trop violent, mais bon. Oui, mais même, en fait, j'ai envie de dire, c'est de toute façon, même avec la situation, le gore, au final, est plus drôle que gore, donc. Même si vous n'aimez pas le gore, ça peut encore éventuellement passer. Ouais, c'est ce que je dis, mais après, si les gens aiment pas du tout, mais pas du tout, du tout, mais le genre, rien que de voir une goutte de sang, même pas réaliste, ça dérange, bah, vaut mieux hésiter. Hein. Mais sinon, franchement, ça passe bien, je trouve. Ça passe vraiment bien. On est vraiment dans la période zombie où ça se renouvelle. On est là, je trouve, dans tout ce qui est séries et films, on n'est plus dans la période zombie classique. Il y a eu iZombie qui renouvelait déjà la chose, et là maintenant on a ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y aura plus de nouvelle série de zombies. Ça va partir sur les vampires maintenant. Mais la mode revient aux vampires. De toute façon, c'est vampire, zombie, loup-garou, vampire, zombie, loup-garou, vampire, zombie, loup-garou. Hein, c'est tout le temps comme ça. Et mais ma foi, c'est peut-être en série de zombies. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est sans doute ma préférée des séries de zombies. Après, si je devais être vraiment en détail dans chaque type de série de zombies, là, ça va être différent. Mais dans les séries de zombies, c'est la série que je préfère. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une série zombie? Oui, on peut dire. Enfin, bien qu'elle fait pas, elle fait pas zombie, donc au final, ça fait un peu plus. Pour moi, elle me fait pas. Quand je la vois, je pars plus sur un bonus, bien sûr, un délire cannibale. Parce que parfois, il arrive que je regarde le truc, j'oublie qu'elle est morte en fait là-bas. Ouais. Même si des fois, est-ce que tu peux m'en mettre mes pouces en place, s'il te plaît? Voilà, c'est-à-dire que ça c'est voilà, il y a des délires à la con comme ça. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui sont, faut pas trop que je vous en dise, mais c'est pas gore ultra gore, hein. C'est voilà, c'est vraiment ça va. Et il y a Bouledem qui dit qu'il a vu la bande-annonce de la saison 1, mais voilà, mais c'est ce que je disais, c'est un gros what the fuck, et c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Si la bande-annonce t'a plu, Bouledem, la série te plaira, il y a de grandes chances. Et oui, le premier mois gratuit à Netflix est gratuit, alors autant en profiter, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est sûr. Ouais, non, mais... moi ça rentre aussi pour venir compléter ce que tu disais, pardon, dans les séries de zombies préférées, même si parfois je fais l'amalgame, je pense cannibalisme plutôt. Ouais. Je crois que ça vient à peu près, ben, c'est pas du tout, on peut pas les comparer l'un et l'autre, avec In the Flesh. Ah oui, non, c'est incomparable, on est d'accord. C'est incomparable, c'est tous les deux premiers, mais chacun pour ses raisons. Quoi. Voilà, mais après, voilà, moi je dirais que c'est parce que c'est celle qui me détend le plus que Santa Clarita Diet. Et après, oui, après, si je devais partir dans le fond, enfin dans le fond, pas dans le fond, dans le sens c'est mauvais, mais dans le fond, dans le sens où il y a un fond, il y a des raisons, il y a ceci, il y a cela, moi aussi je parle pareil que toi, je les placerais les deux au même endroit, du coup, pour la globalité, si je devais prendre en compte tout, quoi. Parce qu'In the Flesh, ça fait longtemps que j'ai pas regardé et tu viens de me rappeler de cette série. Mais voilà, Santa Clarita Diet, oui c'est ça en plus, une série que je vous conseille très vivement et que Feno vous conseille très vivement aussi. Mm-hmm. Tu sais, je parle pour toi Feno. tu as le droit, mais tant que tu ne dis pas le contraire de ce que je pense. Feno déteste cette série, il trouve que c'est nul à chier. Feno n'aime pas Netflix. Feno n'aime pas les animes non plus et trouve que Teen Wolf c'est de la merde aussi. Bien sûr. Le mec, c'est comment bref, mais non, vraiment c'est une très très bonne série. Vous la regardez de la manière que vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a un mois gratuit sur Netflix si jamais vous y êtes jamais inscrit. Et en vrai, il y a tellement de séries sur Netflix qui sont bien que regardez un peu tout ce qu'on a parlé depuis les débuts de Mange ton écran. Et faites-vous une petite liste là et regardez ça pendant le mois. Vous êtes tranquille après. C'est sûr. Alors après, il dit de la regarder comme vous voulez, hein, mais je vous conseille quand même de commencer par le début et terminer par la fin. Oui. il semblerait vraiment qu'il y ait un problème de chat chez Twitch. Hein. Je m'excuse, mais c'est indépendant de notre volonté. Mais donc c'est tout pour ce numéro de l'émission. On va arrêter l'émission là. Pour ceux qui sont sur le live, peut-être qu'on va continuer à papoter un petit peu derrière, donc restez. Mais je dis au revoir à ceux qui nous écoutent en podcast et en replay sur YouTube et sur Mixcloud. Mais donc sur Mixcloud, c'est aussi en podcast. Vous pouvez nous retrouver sur tous les bons logiciels de podcast, en vrai. Donc sur YouTube, Padipowo, sur le site padipowo.fr, sur Twitch, Papipolka. Oui, c'est l'intrus. Et ensuite, vous pouvez retrouver Feno sur Twitter, Thomas Feno. Non, l'inverse. Merde, Feno Thomas, Feno très bas Thomas. Et moi, vous pouvez me trouver sur le Twitter, @polka le papy. Et oui, c'est un piège aussi. Bye!